2 heures sa torte à portière. C'est pas pour qui. 4 heures on la fout dans le conteneur. 18 carrés par au Mali. J'suis à l'aise, j'ai les fesses posées dans un gros fer. J'suis dans la ville. Entre les rasbas, le liquide, les pertes, les demi-kills de bédo. J'suis dans la ville. J'suis en casque, raillé en T-Max. Ou dans le 4x4 avec des mams. J'suis tout en Kenzo dans le Q3. Gris, j'aime pas comment les bacs nous t'aiment sans permis. J'fume un gros joint dans la location. J'me fais flasher, t'en j'suis en délit. La course poursuite m'a l'air bizarre, ils veulent pas j'ai me lâcher. J'ai grandi, j'ai mûri, j'suis devenu ce que j'voulais pas être y'a 2 ans de ça. J'ai pas d'hermano, j'me suis fait seul pour faire entrer, j'me suis mis dans le sale. Ce qu'on fait, c'est braquer là, ça c'est me faire plus de stream, avoir un putain de ça. La vie d'artiste, c'est pas si facile, c'est plus compliqué que ça. Faut bosser, y'a rien de facile, c'est l'argent qui nous fascine. La facem, je l'ai perdu, je l'ai pris pour cible. J'ai une VDA et un 4 matchs. Faut bosser, y'a rien de facile, c'est l'argent qui nous fascine. La facem, je l'ai perdu, je l'ai pris pour cible. J'ai une VDA. Pas la même mentalité, on marche pas ensemble. J'suis pas de ceux qui vont donner leur cave aux hommes. Toi t'as l'air hautain, on va te niquer ta mère pour te montrer que t'es personne et va dire aux autres. J'ai vesti les bleus bits en 2008. Et la caisse est à cocody. J'ai laissé la haisse si je suis plus dans le vol. Je préfère filocher les grosses rollies. La caillie a gravé des séquelles sur ma peau. Je roule un gros pétou sous cacachamo. Mes reniques sont remplis de trous de boulettes. Sa grand-mère j'en rachète mais il se retrouve ouais c'est la galère. On demandait des pièces à l'ancienne. Maintenant on braque des refous sans visière. Tu vois c'est qu'il est vrai quand on vient bang bang. Tout le monde dit mais râle pas c'est la requête. Elle veut pas que je sois dans le business. Elle aime pas quand je rentre dehors. Je suis sûr la 86 en hyper. Full de cargaison à bord. On fait rentrer personne. Personne va le faire à notre place. Et si t'es respecté que si t'es en place. J'allais carton dans le mécan 3. Depuis le rap j'ai l'impression qu'on porte la poisse. Toute l'équipe est d'af, j'suis seul à pas le faire. J'ai trop piquement quand j'suis dans le tour. J'rentre à la guerre direct sur moi. Je veux pas que maman pense que j'fume peu clore. On a vécu la haie, si j'peux faire mon passé je le laisserai comme tel sinon j'serais pas là. On a connu la street et c'est mauvais côté. Maintenant j'veux côtoyer la vie de palace. J'ai grandi, j'ai mûri, j'suis devenu ce que j'voulais pas être y'a 2 ans de ça. J'ai pas d'hermano, j'me suis fait seul pour faire entrer, j'me suis mis dans le sale. Ce qu'on fait, c'est braquer là, ça c'est me faire plus de stream, avoir un putain de sale. La vie d'artiste, c'est pas si facile, c'est plus compliqué que ça en a. Faut bosser, y'a rien de facile, c'est l'argent qui nous fascine. La facem, je l'ai perdu, je l'ai pris pour cible. J'ai une VDA et un 4 matchs. Faut bosser, y'a rien de facile, c'est l'argent qui nous fascine. La facem, je l'ai perdu, je l'ai pris pour cible. J'ai une VDA et un 4 matchs.